disait la vache devenue folle, que sa pognon, sa profit, sa tacro alimentaire s'en prennent un coup dans les guiboles, que les cochons qui s'en sortent en faisant des coups si moches mis plein les poches, fassent des aujourd'hui qu'à l'école. Prions, prions, disait la vache devenue folle, prions, prions, disait la vache devenue folle. Tremblante brebis, gentil mouton, ton doux pelage garde bien au chaud le secret de ton héritage, carcasse, tripaille et cerveau en farine font bon ménage et suffiront à nourrir les veaux. Pâte blanche trempée dans la farine, pourquoi tu trembles, grand maman? Pâte blanche trempée dans la farine, pourquoi tu trembles, grand maman? C'est le loup, répétait-elle, en désignant le mur tout blanc. La maladie, à raison d'elle, fit une blouse, blouse et blouson. Pourtant, mère grand avait raison, c'est le loup, il est déjà dedans. Pourtant, mère grand avait raison, c'est le loup, il est déjà dedans. C'était le loup, c'était les poules, les lapins, les dindons, les cochons. La farine leur foutait les boules, littéralement des ganglions. C'est qu'entre-temps, dans la bouillie, secrètement, on avait mis les carcasses, oui, c'est dégueulasse, des dirigeants des grandes compagnies. Recyclage pour recyclage, ils nous ont prématurément quittés. Recyclage pour recyclage, c'était bien leur tour d'y passer. Olé, prions mes frères, disait la vache devenue folle, que saint profit, saint pognon, saint accro alimentaire s'en prenne un coup dans les guiboles, que les cochons qui s'en sentent en faisant des coups si moches mis plein les poches fassent deux aujourd'hui qu'à l'école. Prions, prions, disait la vache devenue folle, prions, prions, disait la vache devenue folle.